l'Afrique des reconnaissantes. Toi qui abolissas les travaux forcés, au grand Oufou Boigny, tu es le prophète de la paix. Non, non, non. Homme de dialogue, Oufoué Boigny, homme de liberté. Grand messager africain, toi qui prophétise la paix, toi qui lutte pour la paix dans le monde. makina mami, walata mama. Nani walata mama, makina mami, walata mama. Nani walata mama, makina mami, walata mama. Nani walata mama, makina mami, walata mama. Mama me.